Bon matin tout le monde, bulletin de sport du 15 janvier. Donc, on va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant que c'est le début, on sait, c'est la saison des signatures au football collégial dans la région. Et les Cougars de Chicoutimi ont fait l'acquisition cette semaine d'Alexandre Voisine, un carrière qui est natif de Tolbeau-Missassini et qui a amené son équipe au Bol d'Or la saison dernière dans la Ligue juvénile scolaire. Et en entrevue sur les ondes de danradiosport.com, Nick Menacci, qui est le nouvel entraîneur des Cougars, était très, très heureux de la sélection d'Alexandre Voisine ou de la signature d'Alexandre Voisine. Selon lui, c'est la plus grosse prise de son équipe. Ouais, Alexandre est une grosse acquisition. Alexandre était ma priorité numéro un, je vous dirais, à l'offensive, même dans mon recrutement en entier. Alexandre, c'est un jeune que j'ai vu jouer beaucoup cette année. Okay. C'est un jeune avec des qualités athlétiques incroyables, puis un jeune homme qui est super après l'avoir. Okay. Comment vous entendez l'utiliser? Et pour Nick Menacci, on va adopter un système de jeu qui va favoriser Alexandre Voisine. Comment j'entends l'utiliser? Ça, c'est une bonne question à ce temps-ci de l'année. Alexandre, la beauté de la chose, c'est que Alexandre peut lancer. Et Alexandre peut également faire mal aux défensives adverses avec ses jambes. Donc, il peut courir. Donc, il y a un système qui va se faire aussi autour d'Alexandre, ce qu'on appelle un peu du spread offense au football, okay. Où on va utiliser les qualités athlétiques d'Alexandre au maximum. C'est sûr qu'on va le mettre dans des positions de réussite. Puis ça, ben, il est capable de le faire aussi par lui-même. Une fois que, avec un système de jeu qui est adapté aussi à son style à lui. Nick Menacci mentionne qu'il va continuer à travailler afin d'attirer des joueurs du Haut-du-Lac dans son équipe pour la prochaine année. Absolument, on travaille fort pour les joueurs du Haut-du-Lac. En ce moment, on travaille fort avec Philippe Payeux, William Lévesque, qui sont des gars de Tolbeau aussi, si je ne me trompe pas. On a d'autres gars aussi d'Alma, des gars du Lac-Saint-Jean, des gars de Saint-Félicien aussi. J'ai des joueurs en fin de semaine qui ont visité des joueurs de Saint-Félicien. Donc oui, on est en ce moment, on recrute beaucoup au niveau du Lac-Saint-Jean parce que sur trois équipes dans la Ligue Division 2, dans la Ligue Québec, Chaudière-Appalaches, il y a une équipe qui vient d'Alma, puis l'autre équipe est de Saint-Félicien. Donc automatiquement, c'est important pour moi d'aller travailler dans le Haut-du-Lac parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, surtout dans le coin de Saint-Félicien qui a un beau marché. Parlons maintenant de hockey. C'est le tournoi Peewee Jonquière. Deux équipes du secteur qui est en action. C'est dans la catégorie Peewee 2C. D'abord, notez que les Bulldogs Saint-Félicien ont perdu 3-2 contre les Genois d'Alma. Hubert Potvin et Simon Maltais ont marqué les buts. Et toujours dans la même catégorie, les Rapides de Tolbeau-Missassini ont perdu 2-1 contre les Gladiateurs de Québec. David Thibault a marqué le seul but dans la rencontre. Maintenant, au tournoi novice de Métabetchouan, les Sabres de Roberval ont gagné 6-2 sur les Genois d'Allemagne. Et en novice B, les Sabres de Roberval ont gagné 2-0 sur les Iron Kids de Jonquière. En fin de semaine, l'équipe de Christopher Gagnon va reprendre le boulot dans un tournoi de curling. Hier, on a parlé avec Marc-André Guénard, qui est l'entraîneur de l'équipe de Christopher Gagnon. Et il nous mentionne les objectifs pour la fin de semaine. L'équipe va poursuivre sur sa lancée des derniers tournois qui ont eu lieu avant les fêtes. Là, on se rappelle que dans la première demi de saison, l'équipe a très bien fait. Et que là, il se retrouve deuxième sur le circuit provincial. Circuit de curling juvénile, c'est qu'on s'attend de poursuivre sur notre lancée. Puis en même temps, il faut être prudent. T'sais, les autres équipes, ils nous voient y arriver aussi. Là, fait que ça va, comme on dit, ça va se jouer sur la glace. Ouais. Et l'opposition sera forte au cours de la fin de semaine. Oui. En fin de semaine, là, on a 8 équipes masculines. Là-dedans, tu retrouves, je pense, les 4 premières équipes où, à date du championnat font partie du tournoi. Okay. Fait que le calibre est assez relevé. Là. OK. Il va falloir être vigilant. Et je termine avec du curling à Saint-Félicien, au club de curling de Saint-Félicien. Ça se passait mercredi soir, victoire de Stéphane, plutôt défaite de Stéphane Séguin contre Gaston Martel, 4-2. Euclide, Hébert 6, Marcel Laforge 1. Verdict nul de 4-4 entre Serge Lebel et Gaétan Potvin. Et à 20h30, Daniel Perron a défait Yves Lamotte, 5-2. Jacques Quirion, 5, Toby Lodo, 3. Et David Perron a défait Michel Boutin par la marque de 6-2. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Vous pouvez écouter l'entrevue intégrale avec Nick Menacci qu'on a réalisé hier. Nick Menacci qui est l'entraîneur des Cougars de Chicoutimi. Également, vous pouvez écouter l'entrevue avec Daniel Tremblay, l'instructeur-chef des Castors de Tolbeau. Et vous pouvez également écouter Hugo Maltais du hockey mineur de Roberval. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.